Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une comédie américaine. À 39 ans, Brennan n'a toujours pas de job sérieux et vit chez sa mère, Nancy. De son côté, Dale est un éternel chômeur de 40 ans qui vit encore chez son père Robert. Lorsque Robert et Nancy se marient et emménagent sous le même toit, Brennan et Dale deviennent frères malgré eux. Lorsque Robert et Nancy sont devenus mari et femme, leurs enfants sont devenus frangins malgré eux. Salut. Salut. À présent, les garçons, vous allez devoir dormir ensemble, juste le temps de trouver un travail et de disparaître. Ils vivent côte à côte. T'es réveillé? Ouais. Je déteste ton odeur. Je vais t'éclater la tronche. En faisant de leur mieux pour s'entendre. Mais qu'est-ce que tu fous? Eh ben, je t'enterre. Mais je suis encore en vie, du con. Tu vas réveiller les voisins. Ta gueule! Et en relevant de nouveaux défis. Vous avez un mois pour trouver un travail ou je vous dégage. Quoi? Cette maison est une prison! Alors, Brennan, vous avez dû exercer de nombreux emplois. J'aime prendre des initiatives. Excusez-moi, qui est ce monsieur assis derrière vous? Bonjour, madame, dame. Malheureusement, je n'ai pas d'autre poste à pourvoir. On voudrait faire l'amour avec vous. Sortez d'ici, s'il vous plaît. On a droit à un petit souvenir. Sortez de mon bureau en vitesse! Nancy et moi, nous partons à la retraite. Nous mettons la maison en vente. Mais on va aller où? Je sens des ondes positives autour de cette maison. J'en suis ravi. Je vous souhaite la bienvenue! Frangin malgré eux. Un DVD Sony SPHE.